Papoter, je devrais survivre. Juliette, je voudrais être ta vapoteuse, être dans ta bouche toute la journée, me faire fumer mais te rendre heureuse. Tony, cette fumée me rend toute chose. Lorsqu'elle sort de ta bouche, je rêve qu'il y ait entre autres choses. Et tu fumes. Tu fumes ma vie. Et tu fumes, moi je veux être. Ta nicotine cette nuit. Juliette, vapote-moi toute la nuit, et dans tes volutes à la menthe, j'oublierai les femmes de ma vie. Tony, quand t'es fini l'aromatique de ma cigarette en métal, comme elle nous en électronique. Et tu fumes. Tu fumes ma vie. Et tu fumes, je veux être. Ta nicotine cette nuit. Tu fumes, tu fumes, tu fumes ma vie. Et tu fumes, moi je veux être.